بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par les éparpilleurs qui éparpillent tout. فالحاملات وقرا Par les porteurs de lourdes charges. فالجاريات يسرا Par les coureurs avec haute aisance. فالمقسمات امرا Par les distributeurs des biens, conformément à un ordre. انما توعدون لصادق Ce qui vous est promis ne peut être que vrai. وان الدين لواقع Mais la rétribution aura certes lieu. والسماء ذات الحبك Par le ciel si harmonieusement façonné. إنكم لفي قول مختلف. Vos avis sont inconstants. يؤفك عنه من أفك. Du Coran se détournera certes celui qui s'est déjà détourné de la foi. قتل الخراصون. Que périssent les fiefs et menteurs. الذين هم في غمرة ساهون. Qui sont noyés dans l'insouciance. يسألون أيان يوم الدين. Et qui demandent quand donc viendra le jour de la rétribution. يوم هم على النار يفتنون. Jour où ils seront éprouvés par le feu. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Goûtez donc votre épreuve, leur sera-t-il dit, car c'est bien cela que vous vous empressiez de voir arriver. إن المتقين في جنات وعيون. Les gentilleux seront au milieu des jardins et des ruisseaux. آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. Bien recevant ce que leur aura donné leur Seigneur, car ils étaient autrefois bienfaisants. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. La nuit, ils dormaient peu. À la pointe de l'aube, ils imploraient le pardon. Une part de leurs biens était réservée aux mendiants et aux démunis. Il y a sur terre des signes pour ceux dont la foi est sûre. Et il y en a aussi en vous-même. Ne vous livrez donc pas. وفي السماء رزقكم وما توعدون. Dans le ciel se trouve votre subsistance et tout ce qui vous est promis. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Par le Seigneur du ciel et de la terre, cette promesse est tout aussi vraie que l'est votre don de la parole. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. T'est-il donc parvenu le récit des hôtes honorés d'Abraham? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Entrés chez lui, ils lui dirent paix, salam. Paix à vous, étrange inconnu, leur répondit-il. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Il se retira rapidement et distraitement auprès de sa famille et revint avec un veau gras. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. En leur présentant le plat, Abraham dit ne mangez-vous pas. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Voyant qu'ils commençaient à prendre peur devant eux, ils lui dirent n'aie aucune crainte. Et ils lui annoncèrent l'heureuse venue au monde d'un fils doté d'un grand savoir. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Sa femme fit éruption, criant et se frappant le visage. Avoir des enfants, une vieille femme stérile comme moi. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. C'est ce qu'a décrété ton Seigneur, répondirent-ils, c'est lui, le sage, l'omniscient. Quelle est donc la raison de votre visite, ô émissaire ? Demanda Abraham. Nous sommes envoyés vers des gens coupables, répondirent-ils. Pour faire pleuvoir sur eux des pierres d'argile. Portons un signe auprès de ton Seigneur pour ceux qui commettent des abus. Nous en fîmes évacuer ceux qui étaient croyants. Mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de croyants soumis. Et nous y laissâmes un signe pour ceux qui craignent le supplice très douloureux. Il y a aussi un signe en Moïse, que nous envoyâmes à Pharaon, muni d'une évidente preuve d'autorité. Mais il se détourna, conforté dans son pouvoir, et dit, voilà bien un magicien, ou un fou. Nous saisîmes alors de lui et de son armée, et les précipitâmes dans les flots. Il est disparu, blâmé et réprouvé. Un autre signe fut celui des Had, sur lesquels nous déchaînâmes des vents ravageurs. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. Qui ne laissait rien sur leur passage, il n'est réduit en poussière. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. De même, les Thamoud, lorsqu'il leur fut dit, jouissez donc de vos biens pour un temps. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. Ils se dressèrent contre l'ordre de leur seigneur et furent emportés par la foudre alors qu'ils ne faisaient que regarder, impuissants. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. Ils ne purent ni se lever, ni triompher de ce qui leur arrivait. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. Ainsi en fut-il du peuple de Noé, qui était aussi un peuple de pervers. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Le ciel, c'est nous qui l'avons puissamment bâti et nous ne cessons de l'élargir. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. La terre, c'est nous qui l'avons étendue et aménagée. Quel excellent aménageur nous sommes. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. De toutes choses, nous avons créé un couple afin que vous y réfléchissiez. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Fuyez vers Allah. Je viens vers vous de sa part en avertissant explicite. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. N'associez à Allah aucune autre divinité. Je viens de sa part, en avertisseur explicite. Ainsi, il n'était venu vers ceux qui les avaient devancés aucun messager, sans qu'il n'ait dit de lui, voilà bien un magicien ou un fou. Se serait-il passé le mot à son sujet? Non, c'est plutôt un peuple rebelle. Détourne-toi d'eux, tu n'en seras point blâmé. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Je ne leur réclame aucune subsistance, ni n'attends qu'ils me nourrissent. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah, lui, est le dispensateur de subsistance, le très fort, l'inébranlable. Ceux qui ont commis des injustices auront une part de châtiment, identique à celle de leurs semblables des temps passés. Qu'ils ne soient donc pas empressés de hâter le châtiment. Malheur à ceux qui ont mis cru, quand viendra ce jour qui est le leur, et dont ils sont menacés.